que nous sommes incapables structurellement ou qu'il y a des limites à ce que les psychologues appellent aussi l'empathie. Comment imaginer l'expérience des autres ? Il y a un problème qui est au fond lié à la nature même de notre expérience, mais qui peut paraître secondaire aux yeux de certains, alors qu'il est sans doute au cœur de la morale et de la politique, et peut-être aujourd'hui plus que jamais. C'est un problème que Albert Camus définissait comme un problème d'imagination. Camus disait que le problème principal des humains, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'imagination. Mais quel type d'imagination ? Eh bien, c'était une imagination très précise. C'était l'imagination qui nous permettait et qui, en fait, nous empêche, souvent le manque d'imagination, qui nous empêche d'accéder à l'expérience d'autrui, à la manière dont autrui vit ce que nous lui faisons parfois subir, la manière dont autrui subit, comprend, agit aussi par lui-même dans son monde. Il se trouve que nos expériences ont quelque chose en quelque sorte d'étanche, que nous n'arrivons pas à nous représenter la manière dont autrui est un sujet, la manière dont autrui vit son expérience. Camus disait, par exemple, si le pilote qui lâche une bombe atomique se représentait les effets de sa bombe sur les millions de personnes qui vont en être détruits, affectés dans leur vie à quelques milliers de mètres sous lui, alors il serait impossible pour lui de la larguer, ou alors il deviendrait littéralement fou, et de même pour les sujets qui programment ces expériences sur autrui, qui agissent sur l'expérience d'autrui. Le grand problème de la philosophie morale et politique, c'est donc de se représenter concrètement l'expérience des autres, dont, d'une certaine façon, l'évolution de la vie nous a préservés. Peut-être que c'est pour des raisons darwiniennes, par des mécanismes biologiques, que nous sommes incapables, structurellement, ou qu'il y a des limites à ce que les psychologues appellent aussi l'empathie, qui est la source de la sympathie, c'est-à-dire de participer au pathos, à l'expérience des autres, parfois aussi à leur souffrance. Pourtant, bien entendu, il y a une empathie possible et elle se construit avec une éducation morale dès le début de la vie, avec ce qu'on appelle l'éducation à l'attachement. Nous apprenons peu à peu à comprendre les émotions d'autrui parce qu'ils sont aussi sensibles aux nôtres. Il faut avoir été l'objet d'une sympathie et d'une empathie pour en devenir le sujet vis-à-vis des autres, ce qui est le fondement de la morale, avec aussi, évidemment, pour compenser les limites de la sympathie, des lois, des institutions qui nous permettent d'être moraux malgré notre manque d'imagination, malgré notre manque d'empathie. Mais il y a évidemment dans notre monde contemporain des risques majeurs sur le partage des émotions au niveau mondial. Et bien entendu, il y a une ressource qui est aussi un danger, c'est les ressources de l'imagination, les ressources de l'art, de la littérature. Camus passait évidemment de la philosophie au roman et au théâtre pour stimuler notre imagination, nous faire entrer dans les débats intérieurs d'autrui. Quelles sont nos ressources aujourd'hui pour nous représenter les souffrances des autres ? C'est la question essentielle du moment.